Yo, I feel like we need our confidence, self-esteem, and that's what I got in that. My confidence and my self-esteem. People might be like, this nigga conceited or whatever, but I feel like I shine. And I don't give a fuck how much white people, the media, niggas, black people, player haters, police, whoever, try to darken my shine, I'm gonna always shine too. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. M'en sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Sometimes it's hard to wake up in the morning, mind full of demons. I don't wanna hear them anymore. Got me heartbroken, fine. So many babies screaming cause they seeing destruction before they see a human being. So they start smoking weak, we'll never get out that. Until we learn to pray, keep our families in shape, cause they all broken. Why do ghetto birds die before we learn to fly? Somebody else's child, poking guns, smoking weed, can all make a change, so I'm told. But I haven't seen a change unfold. So I keep hoping, please, if you prefer to breathe. Communities in need of people that believe. Keep your eyes open, I can only say I'll try. Too many of us die for the door to open. Wise, my brothers, be wise. Stay focused on the prize. Though everybody dies, we continue growing. One day at a time. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça paname. T'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. M'en sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes. Même si mes paroles on les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu. Des attaquants peu déliés dans ma banlieue. Mais là ils font d'humeur à nos sables. Je donnais à dire, je m'en fous du passé. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Brolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe tes couilles dans l'eau chaude. Des fois je vois fermer. Mais ce putain de drapeau à la con. Alors je carbure à la queue ce con. Et mon skeut part à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir. Mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, l'infini ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qu'il faut remettre en zone. Crois-moi, tu demanderas après que ma clique te kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Now everybody wanna see us dead. Two murdered on the front page. Shot the death bullets to the head. Niggas holla out my name and it's similar to way. Motherfuckers know I'm coming, so they run into their graves. Watch, swoop down with my nigga from the band. Cause corrupt don't give a fuck. We you coward niggas snap blast. Keep pumping, ain't worry about nothing. Bust the stove, we was frontin', so reload it, keep coming. I feel heat everywhere niggas see me up in the streets. I don't tweet, speaking straight 38 under the seat, mad. Mission mode, my thoughts were cold. Plots and plans for scams, money bags and gold. Rolling collide, homicide vibes inside. Thug life and dog pound on this midnight ride. Ever since we hit the road, we got stationed with no hesitation. Make moves, nigga, Mr. Too Smooth, the elaborate. Get slow like motion. Focus on the money that's made and sip on this poisonous potion. Glamour get you got, too much heat, too hot. Get shanked, get shot, indulging in this poisonous plot. Fame and fortune, fortune from game, weed and zags, endless amounts of cash, jacks, it's all the same. Ain't shit ever gonna change as long as there's money to exchange, nigga. Machiavelli, a.k.a. Pop. Corrupt up in this motherfucker. Westside.